بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد نواصل قراءتنا في كتاب تجريد التوحيد المفيد سائلين الله المولى أن ينفعنا بهذا العلم وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل وأن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة وبعد. Donc on va continuer inshallah sur la lecture du livre Le Tawhid bénéfique à l'état pur, Tajrid al-Tawhid al-Mufid. Et on est toujours concernant l'étude Ahlu Maqam Iyyaka Na'bud sur l'étude des différentes catégories concernant le verset « Iyyaka Na'bud », mais plus précisément concernant différentes tendances liées à la question concernant l'adoration la plus bénéfique et la meilleure adoration. C'est-à-dire que la question liée à quelle est l'adoration la plus bénéfique et la meilleure. Alors l'auteur va nous citer différentes tendances. C'est-à-dire différentes considérations concernant cette question. Et il va mentionner quatre tendances, comme on l'a relaté cela dans les assises précédentes. Et donc, l'auteur, dans la première tendance qu'il a citée et mentionnée dans son œuvre, il cite, c'est celle qui considère que la meilleure adoration, c'est Ahmazouha, par rapport au récit sur lequel il s'appuie Ahmazouha, c'est-à-dire Asabouha. Et on a dit que le hadith était faible. Et que lui, l'auteur, nous dit que le récit n'a aucune origine. Et eux, donc, ils considèrent que l'adoration qui est meilleure et plus bénéfique, c'est la plus pénible et la plus dure. Al-Asab. Et donc, on avait parlé concernant cette question dans les assises précédentes. Ensuite, il dit As-Sinfu Athani. Ensuite, on avait commencé la deuxième catégorie. La deuxième catégorie, ou la deuxième tendance concernant la meilleure des adorations, c'est ceux qui considèrent que la meilleure adoration, c'est Az-Zuhd. C'est le délaissement. Le délaissement de cette vie d'ici-bas. Et donc, ça, c'est une tendance, c'est une considération. Et l'auteur ici la relate. Lorsqu'il dit الصنف الثاني قالوا أفضل العبادات أنفعها التجرد والزهد في الدنيا والتقلل منها غاية الإمكان. Et nous, dans la dernière assise, on s'est arrêté sur cela. Et l'auteur nous dit que dans cette deuxième tendance, cette deuxième catégorie, il y a deux catégories. Dans cette deuxième tendance, il y a deux catégories. La masse, les gens du commun, et les élites. Et les élites. Il va citer la masse, les gens du commun, et il va citer les élites. Les élites. Et on va revenir à cela. Donc hier, à titre de révision, on s'était arrêté sur cela, sur la mention de la deuxième tendance. Comme on avait dit dans les autres assises, on avait dit le contexte de l'époque, et comme on avait relaté à maintes reprises, l'auteur est un savant du 19e siècle de l'Égypte. On avait dit le contexte dans les siècles précédents, comme on a dit, et relaté maintes fois, les sociétés étaient religieuses. Et donc le niveau de religiosité des gens était élevé par rapport à nos temps. Et donc les gens dans la société, si vous regardez l'histoire à cette époque, que ce soit les pays du Moyen-Orient, ce qu'on appelle Shem, les pays du Shem, ou d'autres pays musulmans, les gens avaient un niveau de religiosité qui était élevé. Et donc, beaucoup de gens dans la société étaient des fervents dévots. C'est pour ça que cette question ensuite, elle fut traitée et elle fut posée. Et les gens pensaient à l'adoration. et vouer un culte à Allah Azza wa Jal. Et ça, c'est un rappel pour nous, pourquoi ? C'est un rappel pour nous, pourquoi ? Parce que lorsqu'on voit beaucoup de tendances qui sont tombées dans l'extrême et dans l'exagération, dans leur pratique, c'est lié au fait qu'à l'époque, comme on a dit précédemment, la question d'adoration était posée. Était posée. Et comme vous savez, lorsqu'on adore sans clairvoyance et sans ilm, on peut tomber dans des formes d'exagération. Mais sinon, ils avaient un niveau de dévotion et de vénération du Créateur et d'adoration qui était élevé. D'ailleurs, pour cela, la question s'est posée et la question a été traitée. Par rapport, par exemple, à notre époque, où dans beaucoup de sociétés, le niveau de religiosité a diminué. Et donc, certaines questions théologiques et religieuses se posent moins que dans les siècles précédents. Donc ça, c'est un contexte très important à se rappeler. Et donc, ça nous fait un rappel à nous. Parce que si vous regardez certaines tendances, comment ils étaient fervents, dévots, et comment ils étaient leur ferveur dans l'adoration du Créateur, c'est vraiment un rappel pour nous. Que nous, aujourd'hui, notre niveau, pas aussi élevé que beaucoup de gens qui étaient dans les siècles précédents. Et ça nous fait le rappel, dans une réflexion personnelle, de se dire que le jour où on sera rassemblé le jour de la résurrection, il y a des gens d'autres générations qui vont être aussi ressuscités. Toutes les générations depuis Adam seront ressuscitées. Et on a été créés, et Allah Azza wa Jal nous dit, nous éprouve, pour voir qui est-ce d'entre nous qui a les meilleures actions. Les meilleures actions. Alors sachez que dans les générations précédentes, les gens étaient fervents dans l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ce qui nous pousse, c'est un rappel que je me fais à moi-même, parce qu'on est souvent déficient et négligent à ce niveau-là, ce qui nous pousse à se dire, il y a des gens qui viendront vraiment, ils risquent de nous précéder. De nous précéder dans cela. Parce que eux étaient fervents. Et eux étaient dans une époque où les gens étaient vraiment dans l'adoration du Créateur subhanahu wa ta'ala. Jusqu'à ce que, regardez, ça nous laisse vraiment un avant-goût. D'essayer de comprendre le contexte, jusqu'à ce que, regardez, certains ont pensé que la meilleure adoration, c'est vraiment de s'affliger le plus dur. Al-mashaqqa ou al-asrab. Et c'est pour ça qu'ils s'affligeaient des choses qui n'étaient pas obligatoires pour eux. Mais tellement ils avaient un niveau de... Ils voulaient adorer Allah Azza wa Jal. Ensuite, c'est pour ça qu'il faut faire attention. Parfois, Iblis peut nous faire tomber dans l'exagération. Il va essayer de nous faire tomber, comme on l'a cité cela à maintes reprises. Et donc, on avait dit concernant la première catégorie que le fait de dire que la meilleure adoration, c'est la plus dure, ça a beaucoup de savoir. Ils ont dit, il y a réflexion. Fi anadhar. Il y a vraiment une réflexion à voir et c'est pas forcément le plus juste. Ils disent, comme on a relaté cela à travers la parole de l'auteur de Ifadat al-Mustafid, lorsqu'il relate la parole et la réflexion de Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah concernant cette question-là. Et que lui, il dit qu'en fait, la meilleure des adorations, c'est Akhlasuha, Lillahi Azza wa Jal. C'est celle qui est pure. Et qui est voué exclusivement au Créateur subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire qu'une action, même si elle n'est pas forcément dure, même si elle n'est pas forcément lourde, cette adoration-là pour l'individu, mais si elle est faite sincèrement pour Allah subhanahu wa ta'ala, elle est meilleure que celle qui peut être difficile et pénible à l'âme, mais celle-ci n'est pas forcément faite sincèrement ou bien en cohérence, en conformité avec la tradition du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc ça, c'est un rappel pour la première catégorie. Et on avait dit que dans la première catégorie, il considère que la récompense va avec l'ampleur de la difficulté. Vous vous rappelez de ce passage-là ? Lorsqu'ils disent « wal ajru ala qadri al-mashaqqa ». Pour eux, c'est une règle pour la première tendance. Ils considèrent que la récompense, ou al-ajr ala qadr al-mashaqqa, que la récompense va avec l'ampleur de la pénibilité, de la difficulté. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que ça, c'est vrai? L'auteur de Ifadat al-Mustafid, lui, le cheikh, il dit là. Relo sahih. Ça, c'est pas authentique. Nous, ce qu'on avait traité hier, c'était la question de l'épreuve. Lorsqu'une personne est éprouvée. Et on avait cité le hadith célèbre du prophète, sallam, Inna idham il jazam, idham il bala. Wa inna Allah ta'ala idha habba qawman, ibtala. Certes, l'ampleur de la récompense, barakallahu, va avec l'ampleur de l'épreuve. Inna idham il jazam, idham il bala. Al-bala. Al-bala, c'est l'épreuve. De là, le terme al-ibtila. Al-ibtila. Et lorsqu'Allah aime un peuple, le prophète en samedi, il éprouve. Vous avez vu, on avait cité ce hadith dans la dernière assise. Là, les savants disent, c'est lié à l'épreuve. Concernant l'épreuve, les savants disent, Naram, plus l'épreuve est élevée, plus l'épreuve est intense, plus la récompense sera élevée. Inarizam il jazam, arizam il bala. Comme on avait fait allusion à cela dans la dernière assise. Tandis, le fait de dire que la récompense va avec la difficulté. Ou plutôt, dans d'autres termes, la récompense est proportionnelle à la difficulté. Donc plus la difficulté est grande et intense, plus la récompense sera intense. Les savants, en l'occurrence, l'auteur de Ifadat al-Mustafid nous dit, Allah wa huwa Sheikh al-Fawzan, Hafidh Allah, il dit, Hada ghayru sahih. Il dit, ça, c'est pas forcément authentique. C'est pas forcément authentique. Fal-ajru ala qadri al-ikhlas. Vous savez pourquoi? Parce qu'il dit en fait, la récompense va plutôt et plutôt proportionnelle à la sincérité. La récompense est plutôt liée à la sincérité. À la sincérité. Faqad yakun al-amal shaqqan wa mukallafan wa laysa fihi ajrun aslan li'annahu ghayru mutaba'. Li'annahu ghayru mutaba'. Pourquoi? Parce que parfois, l'action, elle peut être dure, pénible et lourde, mais elle n'est pas forcément en cohérence ou en conformité avec la sunna. Elle n'est pas forcément à la sunna, conforme à la tradition du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Donc, même si cette adoration-là peut être dure et pénible, elle n'est pas forcément, alors, acceptée. Et aussi, la récompense n'est pas forcément proportionnelle à l'œuvre, à la difficulté de l'œuvre. Pourquoi? Parce que l'œuvre n'est pas en cohérence et en conformité. N'est pas conforme aux enseignements du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour ça que l'auteur ici nous dit que le plus juste serait de dire que la récompense est proportionnelle à la sincérité. Et que l'œuvre sincère est meilleure. Est meilleure. Et ce n'est pas forcément celle qui est difficile. Ça, c'était par rapport à la première tendance. À la première tendance. Nous, on revient à la deuxième tendance. Donc, la deuxième tendance, on a dit, c'est quoi la deuxième tendance? Exactement. Celle qui considère que la meilleure adoration, c'est Az-Zuhd. C'est le délaissement. Le délaissement de cette vie d'ici-bas. Et eux considèrent donc, regardez, on reprend la traduction de la parole de l'auteur, dans cette deuxième tendance, ils considèrent la meilleure adoration consiste à renoncer à ce bas monde, à éloigner son attention de ses jouissances et à se contenter du minimum. Les partisans de cette tendance se divisent en deux catégories. Donc on a dit, les partisans de cette tendance-là sont et se divise en deux catégories. On a dit ceux de la masse, ce qu'on appelle al-awam, ammat an-nas, al-awam, les gens du commun, le commun des gens, et la deuxième catégorie, ce qu'ils nomment al-khawas, les élites. Les élites. Vous allez comprendre la différence et la distinction qu'il y a entre les deux catégories, comme va stipuler l'auteur. Alors l'auteur nous dit, la première catégorie, ce qu'il considère comme al-awam, ammat an-nas, le commun des gens, eux, parmi eux, Il considère et s'imagine que l'ascétisme est une fin en soi. Écoutez bien, ensuite on va donner la réponse à cela, selon les enseignements de grands commentateurs de l'œuvre. Eux, ils considèrent, parmi eux, s'imaginent que l'ascétisme est une fin en soi. Ils œuvrent donc dans cette vie, d'ici-bas, en espérant atteindre ainsi une meilleure place que celle offerte à travers le savoir et les bonnes œuvres. Pourquoi ? Parce que l'ascétisme est à ses yeux, c'est-à-dire aux partisans de cette catégorie-là, est le comble et le sommet de l'adoration. Pour eux, le comble et le sommet de l'adoration, c'est l'ascétisme, ce qu'on appelle az-zuhd. Tandis que al-khawas, ce qu'on pourrait traduire par sorte d'élite, pour sa part, lui, l'élite, considère et pense que l'ascétisme est plutôt un moyen de parvenir à un objectif bien plus noble. Il consiste à vouer son cœur à l'adoration d'Allah en le remplissant de son amour et de sa dévotion. Il considère alors que l'individu s'en remet ainsi totalement à lui et toute son attention est consacrée à son agrément. L'auteur dit ensuite, concernant cette catégorie, la meilleure adoration donc pour eux serait donc d'évoquer Allah en permanence avec le cœur. D'évoquer Allah en permanence avec le cœur et la langue. Par ailleurs, l'élite se divise en deux catégories. Vous suivez bien ? C'est pour ça que je vous ai dit que là, l'auteur, ça va être très subtil. Pourquoi ? Parce qu'il subdivise. La question est subdivisée. Dans cette deuxième tendance, il dit qu'il y a catégories. Deux catégories. Et donc, il nous cite la première catégorie qui est la masse, les gens du commun, et la deuxième catégorie, les élites, al-khawas. Sauf qu'il dit que la deuxième catégorie chez les élites, il y a deux catégories. Encore. Il y a deux catégories chez eux. Et on viendra à ça lorsqu'on aura déjà essayé de comprendre cette deuxième tendance. Cette deuxième tendance qui considère donc que c'est l'ascétisme et le délaissement, cette vie d'ici-bas, que cela est la meilleure adoration, que celle-ci serait la meilleure adoration. Que disent les grands savants théologiens sur cet avis-là et sur cette considération-là ? Lorsqu'il est dit, et ils disent « Afdalu l'ibadat wa anfa'uha at-tajarrud wa az-zuhd fi ad-dunya » يقول العلماء الله ما أمرنا بهذا وما أمرنا أن نترك الدنيا بل أمرنا بأن نطلب الرزق وأن نكتسب. Les savants expliquent en réponse à cela, les savants ne sont pas forcément d'accord par rapport à cela. Bien au contraire, ils disent non. Allah Azza wa Jal, notre Créateur, ne nous a pas demandé de délaisser la vie. Il ne nous a pas demandé de délaisser cette vie d'ici-bas. Mais il nous a plutôt ordonné de travailler, de chercher sa subsistance, de chercher les moyens de gagner sa vie. C'est ce qu'on appelle talab rizq, demander sa subsistance, la chercher, l'acquisition des biens. Wa naf'al al-asbab, et de faire les causes pour cela, comme le fait de travailler et autres. Donc, à la base, à l'origine, Allah Azza wa Jalla ne nous a pas ordonné de délaisser, comme expliquent les grands savants, cette vie d'ici-bas. وَلَا نَتْرُكَ الدُّنْيَا زُهْدًا وَنَكُونَ عَالَةً عَلَى النَّاسِ. Et donc, les savants nous disent, l'ordre n'est pas de délaisser cette vie d'ici-bas et ensuite d'être à la merci des autres et de demander aux autres et d'être un poids pour les autres. Ce n'est pas ça qui nous est demandé, que notre Créateur nous demande. Wallahu, c'est pour cela que dans le verset du Coran, Allah dit « Wala tansa nasibaka min ad-dunya » et n'oublie pas ta part, nasibak, n'oublie pas ta part de cette vie d'ici-bas. « Wa ahsin kama ahsan Allahu ilayk » et sois bon comme Allah Azza wa Jal a été bienfaisant envers toi. Ça, c'est une traduction relative et littérale du sens du verset. Donc le verset, c'est le verset 77 de la sourate Al-Qasas. Et donc Allah Azza wa Jal nous dit et dit « وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا » et n'oublie pas ta part de cette vie d'ici-bas. « وَأَحْسِنْ » et sois bienfaisant. « كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ » comme Allah a été bienfaisant envers toi. Donc les savants ont dit « فَتَرْكُ الدُّنْيَا هَذَا لَيْسَ مَطْلَبًا شَرَعِيًا » et donc les savants, l'auteur de Ifadat al-Mustafid, il dit donc « le délaissement de la vie d'ici-bas n'est pas une demande forcément légiférée. Ce n'est pas la demande religieuse, ce n'est pas l'ordre et le commandement religieux, plus exactement. Ce n'est pas l'ordre religieux, l'ordre du Créateur, forcément, de délaisser totalement cette vie d'ici-bas. كما أن الاقتصار على الدنيا وأن تكون الدنيا هي أكبر الهم أو هم الإنسان هذا ليس مطلبا شرعيا. De même que l'inverse. C'est quoi l'inverse? De même, il nous est pas aussi demandé, bien plutôt, il nous est demandé de nous écarter du fait que cette vie d'ici-bas soit notre plus grand souci. Comme il est dit dans l'invocation, Allahumma la taj'ali ad-dunya akbara hammina wa la mablagha ilmina wa la ila an-nari masirana. Comme il est dit dans l'invocation, ô Seigneur, ne fais pas de cette vie d'ici-bas notre plus grand souci. Dans une traduction relative. Et donc à l'inverse comme dit l'auteur, il dit wa kama ana al-iqtisar 'ala ad-dunya wa an takuna ad-dunya hiya akbar hamm al-insan. Donc le commandement religieux n'est pas aussi de faire de cette vie d'ici-bas le souci, le plus grand souci. Mais aussi l'ordre et le commandement religieux aussi n'est pas de la délaisser, de délaisser cette vie d'ici-bas, de sorte de ne pas gagner sa vie, de ne pas chercher sa subsistance, et de délaisser et d'être à la merci d'autrui et de demander aux autres. Ce n'est pas ça qui est demandé. Mais il faut faire les causes. Et Allah Azza wa Jal ne nous interdit pas de chercher notre subsistance et de travailler. Bien au contraire. Bien au contraire. Les prophètes travaillaient, étaient bergers. Beaucoup de prophètes étaient bergers. Ils travaillaient. Et le prophète, sans même, a exhorté à l'obtention de son rizq, à chercher, à l'acquisition, à chercher son rizq. C'est pour cela que, un jour, il est dit dans un récit qu'ils demandèrent au prophète sallallahu alayhi wa sallam quelle est la meilleure acquisition, c'est-à-dire des biens, de l'argent. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est dit dans un récit qu'il répondit bay'un mabrour, un commerce louable, accepté, un bon commerce. Et de là, les savants, ils ont dit tijara, puisque la question a été traitée par les savants, quelle est la meilleure acquisition? De sorte, quel est le meilleur, en d'autres termes, travail. Certains savants ont évoqué, puisque irtalafa al-ulama ensuite, les savants ont divergé sur cette question, mais ils l'ont traité. Et je vous exhorte, et je vous réfère à chercher sur cette question, de très belles paroles de savants concernant cette al-mas'ala. Et certains savants ont dit, par rapport à ce récit, al-bay'a, wa-shira, wa-tijara, le commerce. D'autres savants, ils ont dit, al-flaha, l'agriculture, le fait de travailler la terre. Beaucoup de savants ont été d'avis que c'est l'agriculture. Un des meilleurs travaux, l'agriculture. Certains savants ont cité le fait d'être berger, puisque les prophètes ensemble étaient bergers. Donc regardez, les savants ont traité la question, quel est le meilleur travail? Pourquoi? Parce que le croyant est exhorté à travailler, à gagner sa vie. Et que la main haute est meilleure que la main basse. C'est-à-dire celle qui donne, la main qui donne est meilleure que celle qui reçoit. Et donc, et on a de grands savants justement qui ont fait le rappel sur cela, que les jeunes musulmans, que les musulmans doivent vraiment chercher leur risque et travailler. Regardez déjà à l'époque de Omar ibn Khattab radiallahu ta'ala an, à l'époque des compagnons, le deuxième calife, cette célèbre histoire qui est rapportée des jeunes qui restaient dans la mosquée. Il leur dit, mais qu'est-ce que vous faites là? en les exhortant à aller chercher leur risque. Il y a un moment pour l'adoration et un moment pour chercher son risque. Sauf qu'on voit que les gens sont des extrêmes. Les gens sont des extrêmes. Et il y en a que leur souci, leur plus grand souci, c'est le travail. Et que le travail. Et donc toute sa vie pour lui, c'est le travail. Et il y en a, c'est l'inverse. Ils ont la paresse, et donc du fait qu'ils ne travaillent pas. Et c'est l'inverse. Il faut trouver le juste milieu. Il y a le temps pour l'adoration, il y a le temps pour l'acquisition, il y a un temps pour tout. Et ça, c'est très important. Et donc, regardez, le rappel du commentateur est très profitable, de sorte qu'il dit « Donc, ce qui nous est demandé, ce n'est pas de délaisser la dunya, mais ce n'est pas aussi d'en faire notre objectif premier, en quelque sorte. » Lorsqu'il dit « Alham », le plus grand souci, dans le sens d'en faire notre objectif premier. Mais il dit « Wal-ihsanu al-i'tidal » Wal-ihsanu al-i'tidal fi hada. Mais le shir dit « Le meilleur dans cela. » Qu'est-ce que le meilleur? C'est l'i'tidal, la modération. Al-wasatiyya, le juste milieu. C'est ça qui est demandé. Et le meilleur, c'est le juste milieu. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أيها الناس اتقوا الله وأجملوا في الطلب comme il est dit dans un récit qui est rapporté par Ibn Majah dans le hadith le récit 2143 le hadith 2143 où qu'il est rapporté que le prophète a dit ô vous les gens craignez Allah craignez votre créateur votre seigneur craignez Allah وأجملوا في الطلب et enjolivez votre demande. Que celle-ci, votre talab, soit belle et enjolivée. Fala budda lil insan min ad-dunya. Walakin alayhi an yaqtasira 'ala al-halali minha. Et donc regardez l'auteur quand il va expliquer le récit, il dit donc la budda lil insan min ad-dunya, l'individu forcément il doit travailler dans cette vie d'ici-bas puisque c'est la demeure du travail, en tous les sens du terme. C'est la demeure du travail dans le sens, il faut œuvrer dans l'adoration. Il faut travailler pour son au-delà. Mais aussi, pour vivre ici, il faut travailler. Pour vivre aussi ici-bas. Et il faut endurer les épreuves pour l'au-delà. Pourquoi? Parce que le paradis d'Allah, Azza wa Jal, pour y accéder, il faut faire des efforts. Et on ne peut pas l'atteindre sans fatigue. Et sans effort, et sans endurance. Et c'est pour cela, mais aussi de l'autre sens, que l'individu, il doit chercher son intérêt dans cette vie d'ici-bas. لَكِنْ عَلَيْهِ أَنْ يَقْتَصِرَ عَنَ الْحَلَالِ مِنْهَا Sauf que regardez le rappel, c'est qu'il dit, mais il doit se contenter du licite. Ça, c'est très important. C'est-à-dire que le croyant est semé, de chercher sa subsistance, de vivre ici-bas, il ne lui est pas demandé de délaisser cette vie d'ici-bas, mais il doit se contenter du halal, et dit du licite. وَأَنْ يَسْتَعِينَ بِهِ عَلَى طَاعَةِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلْ وَيَكْتَفِي بِهِ عَنِ النَّاسِ وَيَكْفِي بِهِ مِنْ تَحْتَ يَدِهِ فَلَا بُدَّ مِنَ الدُّنْيَا Et regardez ce qu'il dit ensuite l'auteur, لَكِنْ عَلَيْهِ Donc il doit se contenter du halal, et ensuite, d'utiliser cela dans l'obéissance du Créateur subhanahu wa ta'ala et de céder de cela dans l'obéissance du Créateur subhanahu wa ta'ala. Wa yaktafi bihi 'anil nas. Et c'est pour cela qu'ensuite, le croyant doit s'efforcer du mieux qu'il peut de ne pas demander des choses que lui peut faire, d'éviter au maximum de demander. C'est pas facile, mais c'est les comportements que nous enseigne le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Dans un hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit celui qui me garantit qu'il ne demande rien, alors je lui garantis le paradis. Man takaffalali an la yas'al an-nas shay'an, ma'na al-hadith, celui qui garantit qu'il ne demande rien, le prophète dit je lui garantis le paradis. dans les choses où on peut se passer de demander, c'est une éducation prophétique que le prophète nous donne. Dans les choses dont on peut se passer. Après, ce n'est pas interdit, les servants expliquent le récit, ce n'est pas interdit lorsqu'on a besoin de choses de demander service. Mais le fait de se passer lorsqu'on peut s'en passer. Et fin la Bouddha Minat Dunya. Et de mettre à l'abri, il dit aussi ceux qui sont sous ses obligations, ceux dont il a le devoir de dépenser pour eux, comme les membres de sa famille, de les mettre aussi à l'abri. Et l'auteur nous dit, donc on a besoin de travailler dans cette dunya. Et donc on a besoin, on a notre part de cette vie d'ici-bas. ومن أفاضل الصحابة منهم أصحاب ثروة مثل عثمان وعبد الرحمن بن عوف وهما من العشرة المبشرين بالجنة المبشرين بالجنة. Il dit parmi les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, certains d'entre eux qui étaient fortunés et qui étaient riches, comme c'était le cas de Uthman ibn Affan, comme c'était le cas de Abd al-Rahman ibn Auf. Ses compagnons étaient connus qu'ils avaient un certain niveau, qu'ils étaient riches. وَهُمَا مِنَ الْعَشَرَةِ الْمُبَشَّرِينَ بِالْجَنَّةِ. Alors que ces deux font partie des 10 annoncés au paradis, parmi les meilleurs compagnons du prophète sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam. فَهُمْ مِنْ أَفَضِلِ الصَّحَابَةِ. Eux, ils font partie des meilleurs compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. وَمَا تَرَكُوا الدُّنْيَا. Ont-ils délaissé la dunya? N'ont pas délaissé. لَكِنَّهُمْ جَعَلُوهَا مَطِيَّةَ لِلْآخِرَةِ. Sauf que, ils l'ont mis, cette vie d'ici-bas, en sorte d'œuvrer pour celle de l'au-delà. Au service de l'au-delà. De celle de l'au-delà. Et ça, vous avez vu, c'est pour ça que j'ai voulu vous traduire ce pacha, cette explication. Et donc, le fait qu'ils, dans cette deuxième tendance, ils ont considéré que la meilleure adoration, c'est le délaissement d'ici-bas, c'est el-zuhd. C'est l'ascétisme. Donc, les savants disent que ce n'est pas forcément authentique. Et ce n'est pas authentique. Ce n'est pas authentique. De plus, lorsqu'ils disent que le zuhd, parce que cette tendance-là considère ensuite que l'ascétisme, donc le délaissement de la vie d'ici-bas, est meilleur en degré que l'ilm ou l'ibada. Il considère que le délaissement zuhd, s'il considère ce délaissement de cette vie d'ici-bas, c'est meilleur que le savoir, que l'ilm et que l'adoration elle-même. Ra'u az-zuhda fi dunya ghayat kulli ibada wa ra'saha. Ils ont considéré que le zuhd, ce qu'on traduit par l'ascétisme, c'est l'objectif en soi-même. C'est l'objectif en soi-même. Regardez. Comme l'auteur dit, il considère que c'est le comble et le sommet de l'adoration. Qu'est-ce que le comble et le sommet de l'adoration pour eux? Az-zuhd, l'ascétisme. Or, les savants disent « وَهَذَا لَيْسَ بِصَحِيحِ » Et cela, ce n'est pas authentique. Ce n'est pas forcément vrai. فَالزُّهْدُ لَيْسَ هُوَ تَرْكَ الدُّنْيَا. Pourquoi? Parce qu'à la base, il y a une mauvaise compréhension de l'ascétisme. Il faut revenir au sens de l'ascétisme. Est-ce que, déjà à la base, l'ascétisme, c'est le renoncement à cette vie d'ici-bas? Puisque pour eux, ils considèrent dans cette deuxième tendance que la meilleure adoration, ça serait le renoncement de cette vie d'ici-bas, et donc ça serait le comble et le sommet, l'objectif en soi-même à atteindre. Mais est-ce que leur conception du zuhd, de ce qu'on nomme nous en français l'ascétisme, est-ce que leur conception est bonne et conforme? Les savants disent que non. Pourquoi? Parce qu'ils disent que az-zuhd, ce n'est pas forcément le renoncement de cette vie d'ici-bas. Qalu bel az-zuhd huwa tark al-haram. Ils disent qu'en réalité, az-zuhd, ce qu'on nous on traduit en français l'ascétisme, الزهد ليس ترك الدنيا لكن الزهد tark al-haram. Le Zohdi disent, c'est en réalité le renoncement au haram. Et il y a une différence entre renoncer tark al-dunya ou tark al-haram. Farq baynahuma. Il y a une différence entre les deux, entre le délaissement de cette vie d'ici-bas et le délaissement du haram. Qala wa tark al-fudul az-za'idati 'an al-haja. Et donc le zuhd, ça serait le délaissement de l'illicite et le délaissement de ce qui fait partie du surplus. C'est le délaissement aussi du surplus. Je traduis de manière très relative. Très relative lorsque l'auteur du commentaire dit « وَتَلْكُ الْفُضُولِ أَزَّئِدَةِ عَنِ الْحَاجَةِ » C'est le délaissement du surplus, en quelque sorte. « وَهَذَا هُوَ الزُّهْدِ » Et ça, c'est le zuhd. Donc, qu'est-ce que le zuhd ? L'ascétisme. Pour une personne qui veut être ascète. Une personne qui fait preuve d'ascétisme, c'est un ascète. Est-ce que l'ascétisme en lui-même est blâmable ? Man yujib. Quand je vous interroge, c'est pas pour... Vous savez, moi, je vous interroge et... C'est vraiment pour... Parfois pour... Lorsqu'il y a une question, c'est ça qui attire notre attention. Vous savez, parfois, des mois et des années après, on peut se rappeler de la réponse, avec la question-réponse. Parfois, je peux vous donner, on peut lire une faïda, ou un savant peut nous donner une faïda, elle va passer. Mais souvent, avec la question, et on entend la réponse, souvent, ensuite, la réponse, elle est gravée. La réponse, elle est gravée. C'est pour ça que les savants, ils disent que c'était très pertinent, et ce n'était pas en vain, lorsque Jibril alayhi salam est venu interroger le prophète alayhi salam au sujet de l'islam ou l'ihsan ou l'iman ou l'iman ou l'ihsan, avec des questions-réponses, c'était pour que les compagnons apprennent la religion et ils retiennent. Et de ce fait, ils ont retenu que l'islam était bâti sur 5 piliers, que l'iman était fondé sur 6 piliers, que l'ihsan c'était 2 choses. أن تعبد الله كأنك ترى فإن لم تكن ترى فإنه يراك إلى آخره. Et les savants se sont basés sur le hadith de Jibril pour dire que l'ilm, le savoir, parmi les méthodologies et les manières pour obtenir et acquérir l'ilm, la science, les questions-réponses. Les questions-réponses. Et parfois, avec une question et une réponse, et ben c'est là qu'on se rappelle. On se rappelle et ça nous fait une portée d'attention. Pour cela, je voulais qu'une question soit bien ancrée en nous. Est-ce que le zuhd est déconseillé ou blâmable ? Non. Délaisser cette vie d'ici-bas, c'est ce qui est demandé ? Non. Le zuhd, par contre, oui. Donc on comprend que le zuhd, l'ascétisme, ce n'est pas le délaissement d'ici-bas comme beaucoup l'expliquent, et comme c'était la conception de beaucoup de gens. Et l'enseignement est très pertinent. Donc le zuhd, bien sûr que c'est demandé. C'est un niveau. Bien sûr que nos pieux prédécesseurs, c'était des ascètes. Et le plus grand modèle d'ascétisme, le plus grand guide et exemple d'ascétisme, c'est Habibuna. C'est le messager d'Allah, le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Qu'un zahid. Il n'y a pas un plus grand zahid que le prophète, c'est l'exemple même et le modèle même. Donc maintenant, ce qui nous incombe à nous, ce qui nous reste à savoir, mais c'est quoi le réel zuhd ? Et ça, c'est une question que beaucoup, même dans les générations précédentes, c'est pour ça qu'il y a eu l'émergence de cette tendance et de certaines doctrines, ils n'ont pas compris zuhd. Comme on a fait allusion à cela dans des assises précédentes, certains voulaient faire apparaître le zuhd. Donc certains, par exemple, sortaient avec des habits cousus, troués, usés, avec une apparence usée et fatiguée, pour mettre en apparence Zuhd. Et ils pensaient que c'est comme cela être Zahid, être un ascète. Et on lit dans les livres que de grands imams étaient ascètes, que les compagnons étaient très fervents dans cela, et c'était de grands ascètes puisqu'ils ont appris cela du prophète. Mais l'ascétisme, c'est pas ça. C'est pas forcément sortir avec des habits usés, troués, cousus, avec une apparence fatiguée, c'est pas ça l'ascétisme. Et l'ascétisme aussi, ce n'est pas le délaissement de cette vie d'ici-bas. Ce n'est pas ça l'ascétisme. Mais l'ascétisme, c'est quoi? Comme nous l'explique le Cheikh, l'ascétisme, c'est de délaisser l'illicite et le surplus. De délaisser l'illicite et le surplus. C'est ça le zod. Et de délaisser, écoutez bien ce que va dire le Cheikh, c'est pour ça que je voulais vraiment qu'on traduise ça et on apprenne ça, et c'est de délaisser tark ma fi aidin nas, ou bi aidin nas. C'est délaisser aussi la convoitise de ce qu'il y a en la possession des autres. Ce qu'il y a dans les mains des autres. Délaisser l'ascétisme aussi, c'est quoi? L'auteur nous dit le délaissement de l'illicite, le délaissement du surplus, tark ma bi aidin nas, délaisser la convoitise, convoiter ce qu'il y a entre les mains des gens, ce qui est en la possession des gens, on talab risque ou l'istirana an innas. Mais aussi, regardez ce que dit Shir, fait partie de l'ascétisme aussi, d'aller travailler. Travailler et essayer de se passer d'autrui. Et on a fait allusion à cela dans le fait de demander. Taïb. Donc la question concernant Zuhd et la deuxième tendance, Inch'Allah, Nukmil Adil Masala et le sujet Fiyom Irad, Inch'Allah, si Allah nous permet. Salah nous permet. Juste en quelques minutes, je voulais faire un rappel sur une Masala, sur une question. Parfois, on se prive d'une grande récompense. D'une grande récompense, c'est le fait de dire Amin lorsque l'imam dit Amin. lorsqu'il récite Al-Fatiha. Et il faut que le ta'amin de Al-Ma'moum, du fidèle qui est derrière, il coïncide. Et donc les savants nous enseignent que lorsque l'imam dit Amin, il dit Amin, alors les fidèles doivent dire Amin. Et Amin bimarna Allahumma stajib. Bimarna Allahumma istajib. Wa ittafaq al-ulama ala annahu yusan lil-munfarid wal-ma'moum an yaqul Amin. Et donc les savants sont d'accord que c'est une sunna, que c'est la sunna du prophète sallam lorsqu'on lit le Fatiha, Fatiha al-kitab, lorsqu'on dit wa la-dallin, ensuite on dit Amin. On dit Amin. Et ذهب جماهر العلماء الى انه يسن له ان يؤمن ايضا. Et donc la majorité des savants considèrent que les fidèles qui sont derrière, lorsque l'imam dit Amin, alors les fidèles qui sont derrière aussi disent Amin. Wa huwa madhhab a'immat al-hadith wa huwa qawl Abi Hanifa wa Shafi'i wa Ahmad. Que l'imam yusannahu an yaqul amin al-imam. Et on verra aussi que les fidèles aussi qui sont derrière. Et c'est une des riwayats qui est rapportée d'après al-imam Malik. Cet avis-là considère chez ses savants que l'imam il le dit à voix haute. Yaqul amin jahran. Il le dit à voix haute. Conformément, قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا أمن الإمام فأمنوا إذا أمن الإمام يعني إذا قال الإمام آمين فقولوا آمين إذا أمن الإمام فأمنوا وقال ابن شهاب وكان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول آمين رواه البخاري وقال ابن رشد المالكي في كتاب بداية المجتهد كتاب مشهور قال وهو النص في تأمين الإمام وقال ابن عبد البر المالكي وفي هذا الحديث أيضا أن الإمام يقول آمين لقول رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا أمن الإمام فأمنوا وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يقول آمين إذا فرغ من قراءة فاتحة الكتاب كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول آمين. ولذلك جماهر العلماء اتفقوا على استحباب قول الإمام آمين وذهب الجمهور أنه يجهر بالتأمين يعني الإمام وكذلك يسان للمأموم et aussi les fidèles qui sont derrière l'imam ils disent آمين وهذا النص يرفع الإشكال ويقطع الخلاف وهو قول جمهور علماء المسلمين ومن من قال ذلك لمن مالك وكذلك عند رواية المدنيين وكذلك الإمام الشافعي وأبو حنيفة وأصحابهما وأحمد بن حنبل وداود الظاهري. وأما المأموم من ناحية المأموم maintenant celui qui prie derrière l'imam ذهب الإمامان الإمام الشافعي وأحمد وبعض المالكية إلى أنه يؤمن جهرا وهذا قول الإمام الشافعي والإمام كما قلنا أحمد ورواية عند المالكية. Donc chez les grands savants comme l'imam الشافعي et comme l'imam Ahmed, comme l'imam il va le dire à voix haute, et c'est une sunna le fait de dire Amin lorsque l'imam dit Wala Dallin, il va dire Amin. Les fidèles qui sont derrière aussi disent Amin. C'est l'avis d'une grande majorité de savants. L'imam va le dire à voix haute et les fidèles derrière vont le dire à voix haute. Sauf que Antanbih, la portée d'attention qu'il faut avoir, c'est qu'il ne faut pas que les fidèles qui sont derrière, ils précèdent l'imam. Et c'est ce qu'on voit dans la majorité des mosquées. Il faut attendre que l'imam, pour avoir la récompense, il faut le muwafaqa. Il faut que ça soit conforme. Et c'est aqibat al-imam, c'est il faut que lorsque l'imam wasu ila al-mashayikh al-kibar, l'imam al-Albani et d'autres ulama al-kibar, mata يقول المأمون متى يؤمن, quand est-ce qu'il fait, il dit amin le ma'moun. Il faut attendre que l'imam commence. Il va dire walallin, ensuite l'imam va dire amin. Je rentre pas dans la question du al-mudud, on peut faire le mad. C'est d'autres questions. Amin. Ou bien amin. Masalatun ukhra. Mais à quel moment le ma'moum il va le dire, le fidèle derrière, il faut attendre que l'imam le dise. Et lorsqu'il dit amin, et on l'entend le dire, ensuite, les fidèles derrière disent amin. Mais là, ce qui se passe, c'est l'inverse. C'est que les fidèles disent amin, et puis l'imam, il dit avec lui amin. Il dit avec eux amin. Et donc l'imam a une pression. Moi, je ne vous parle pas de moi. Si c'était moi, je ne le dirais pas. Pour pas faire celui qui parle de lui. Moi, je dis pour celui qui fait l'imam. Ça doit être dur pour lui. Parce qu'il a une pression. Il faut qu'il fasse vite. Dans tout. Il ne faut pas qu'il soit en retard. Il faut qu'il soit à la seconde près. Lorsqu'il lit, il ne faut pas qu'il réfléchisse sur ses versets. Lorsqu'il dit « Waler Dalin », il n'a pas le temps de reprendre son souffle, il faut qu'il dise « Amin ». Donc il y a une pression. Parce que s'il ne dit pas tout de suite « Amin », les gens disent « Amin ». Vous savez, même dans le Takbirat, quand on fait l'imam, on a peur que celui qui est le fidèle, il précède l'imam. Il va se prosterner avant l'imam. Ou il va se relever avant l'imam. Il ne faut jamais précéder l'imam. « Idha kabbara l'imam, fakabbiru. Idha qala Allahu akbar, faqulu Allahu akbar. » C'est comme ça, lorsque l'imam dit Allahu Akbar et il s'incline, inclinez-vous. Donc il ne faut pas précéder l'imam. Ce qu'on appelle Musabaqat al-imam. Ça, c'est interdit. Alors on attend tranquillement que l'imam dise Amin. Lorsqu'il dit Amin, on dit Amin. Et là, on va avoir la récompense. L'immense récompense. Parce qu'il faut que notre Amin, il faut qu'il coïncide avec celui des anges. Avec celui de Al-Malaika. Voilà, c'était juste un rappel. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ali wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.